Je te clique et te claque, je te zip et te zap. Ma chérie, tu n'y peux que le sauve qui peut. Ah, les amours d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout cuit. Je te tague et te choque, je te craque et te croque. Ma chérie, tu ne peux que te dire c'est si peu. Ah, les amours d'aujourd'hui, c'est vraiment tout petit. J'ai des tocs, ça te flippe, j'ai des clopes et tu tiques. Ma chérie, tu n'y peux plus grand chose ou si peu. Ah, les amours d'aujourd'hui, c'est un peu rikiki. J'ai mes flops et le hic, t'es pas top érotique. Ma chérie, tu ne peux que maudire le bon Dieu. Ah, les amours d'aujourd'hui ne sont plus pain béni. Je te chope chez les stupes, c'est le shoot dans la zup. Ma chérie, tu ne peux que passer aux aveux. Ah, les amours d'aujourd'hui, artifice paradis. Je m'éclipse dans le pax, tu me clipses et je clapse. Ma chérie, tu ne peux plus rien faire, il se peut. Ah, les amours d'aujourd'hui manquent un peu de vernis. Sur la toile, tu chattes, même à poil, bas les pattes. Ma chérie, tu ne peux que tout perdre à ce jeu. Ah, les amours d'aujourd'hui, c'est à coup de souris. Je te quitte, tu me plaques, on est quitte pour 10 plaques. Ma chérie, tu m'en veux pour ta belle carte bleue. Ah, les amours d'aujourd'hui, ce n'est plus du gratuit. Notre histoire a fait pchit, au revoir, cœur en quitte. Ma chérie, si tu veux dire adieu, fais ce vœu. Que les amours d'aujourd'hui durent toute la vie. Que les amours d'aujourd'hui durent toute la vie. Que les amours d'aujourd'hui durent toute une vie.